Sur le village, ici, on est deux à en avoir un. Il y a un peintre qui s'appelle Henri, et puis moi. Il est où le gonze? Il est de quel coin? Ah non, ça me dit rien du tout, j'en connais aucun, alors là. Ouais, il y a un petit groupe de country dans le coin, là, oui, effectivement. Mais non, je les connais pas, j'avoue. Il y a un blond qui joue avec mais que je veux un peu à la Johnny Winter, mais qui est pas génial du tout. C'est tout ce que je connais dans le coin. Non, non, je vais à Tours et puis Tours et Châtellerault. Et autrement, en général, quand j'ai besoin de trucs, je commande tout sur Internet, moi. Ou alors, s'ils me font les mêmes prix à Châtel ou à Tours, je prends chez eux, mais c'est assez rare, hein. Non, Angers, j'ai dû y aller une fois. Mais je suis même pas allé dans les magasins Zik.